desert holds its breath. Drums rise like a heartbeat. Voices whisper, rider's skill. Dans le silence brûlant de l'aube, je trace mes pas sans une plainte. Rider's skill veille depuis les hauteurs, son regard plus ancien que les sables. Les vents ont gravé son nom sur les pierres. Chaque grain de sable connaît sa guerre. Pas besoin d'armes, pas besoin de roi. Sa voix seule suffit à faire plier la foi. Ascon, he walks where others crowd. He speaks where silence reigns. Rider's skill is the desert rhythm. Il ne promet pas la victoire. Droit dans l'épreuve, ces mots glissent comme une preuve.